Le concept, c'est je vais voir un film et juste après la séance, je vous lâche mon avis à chaud et spontanément. Alors ça ressemble fortement, oui, au podcast de mon pote Yuen en sortant du ciné, que je vous invite du coup à l'écouter. Mais à une nuance près, c'est que moi, je vais aller voir les films dont tout le monde se fout, dont personne ne parle, à tort ou à raison. Hein, ça, c'est un peu la surprise du chef. Le but, c'est quand même de découvrir des petites pépites. Hein. Parce que oui, tout le monde veut un avis sur le dernier blockbuster à la mode ou sur le dernier Malick, le dernier Scorsese ou le dernier Nolan. Mais quid des films d'auteurs tchétchènes ou de l'énième comédie française ou du chef-d'œuvre obscur d'un tâcheron anonyme? Ça, c'est pour moi, c'est Bibi qui régale. OZEF le podcast des films OZEF. Vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et pour un premier épisode dans cette belle période de vacances scolaires, j'ai décidé qu'un bon petit film familial, c'était ce qu'il nous fallait. On va aller voir Dans la tête d'un chien, dans la tête des chiens, je crois, le titre. Vraiment, j'y vais en mode masqué, j'ai pas lu le synopsis, j'ai pas regardé la bande d'annonce. C'est pour moi la meilleure manière de découvrir un film, et encore plus dans ce contexte. Donc voilà, on va voir Dans la tête des chiens. Alors juste pour être honnête avec vous, je me suis trompé de ligne de tram. Je pense que j'étais tellement excité par l'aventure que voilà, je me suis trompé de ligne et du coup je pense que je vais rater le début, mais je pense pas que ça va nous déranger pour comprendre l'histoire ou quoi. Dans la vie d'un, dans la tête d'un chien, film OZEF ou pas, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Mea culpa, je suis dans le cinéma et le titre c'est Mes vies de chien. Je vais rentrer, je me sens un peu con pour être honnête. C'est quelque chose de le dire, c'est autre chose de le faire. Donc je rentre dans la salle, j'ai 20 minutes de retard. J'espère que c'est pas commencé. J'étais retour, mon chien, bien vivant et bien décidé à poser de grandes questions et à creuser. C'est commencé, c'est en VF. Ouais, il est Merci. Yo. Je sors du ciné et on était 10 dans la salle, 5 enfants, 5 personnes âgées, on va dire. Moi j'étais le seul connard. Enfin voilà. Mes vies de chien. Quand j'y suis allé, je me suis dit, est-ce que c'est un film qui va me faire remonter à la surface tous les souvenirs que j'avais quand j'étais petit avec des films, et oui, que j'adorais à l'époque. Genre Beethoven, L'incroyable voyage, tout ce genre de classic shit. Donc c'est voilà, des films un peu cons avec des chiens un peu qui vivent des aventures. Et bah non les gars, là c'était genre un film un peu à twist, un peu philo. Donc moi je suis arrivé le jour où il y a un gamin qui trouve un chiot qui a été capturé par des petits malfrats, on va dire, qui laisse dans leur voiture. Le gamin passe devant la voiture, le chien dort, mais l'enfant voit qu'il y a un chien, il appelle sa mère. Il dit « Oh maman, trop mignon le chien !» Donc la mère, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle pète la vitre, hein, la base. Elle pète la vitre, ils prennent le chien, et puis du coup voilà. Ils vivent une belle amitié. Jusque-là, c'était vraiment tout ce que je m'attendais à voir, quoi. C'est limite, je dirais presque, la première demi-heure, sans doute une meilleure adaptation de Boulet Bill que les films Boulet Bill, même si à mon grand regret, il n'y avait pas Franck Dubosc. Il y a des gags, le chien il pète, le chien il fait caca, tout ça. Donc vraiment, tout le monde peut bien s'amuser, quoi. La salle était plutôt enjouée, quoi. Les petits comme les grands, j'ai remarqué. Ils jouent à la balle. Il se passe pas grand-chose. Hein. On est sur quand même relativement du basique, comme l'écriture, hein, simpliste, mais pas trop débile. C'est un film qui s'adresse aux enfants et qui les prend pas trop pour des cons, vous allez comprendre tout de suite. Parce que le truc, c'est que le père du gamin, bah, il a un métier qu'il déteste. Du coup, il boit, du coup, bah, il est alcoolique, du coup, il s'engueule avec sa femme, il veut frapper sa femme, le gamin s'interpose, l'enfant grandit, bah, il a une petite copine, il devient le quarterback, et il y a un des élèves, qu'est-ce qu'il fait? La bonne idée, et bah si on mettait un pétard dans la maison du gamin qu'a un chien là, ça doit pas être clair du tout ce que je raconte, mais sauf que la maison, eh bah, elle prend feu mon neveu, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est compliqué, le gamin il sauve le chien et la mère, sauf que bah, la maison elle s'effondre, trois bouts de bois, parce que le film n'a pas un budget limité, donc en vrai c'est trois bouts de bois qui tombent sur la jambe du gamin. Mais oui, mais le gamin il était quarterback, donc maintenant, eh bah, il pourra plus jouer le gamin. Du coup, plus de maison, plus de passion, plus de petit ami, il la largue, du coup il a plus rien, tu vois. Comble du comble, lui qui voulait être quarterback, il va faire des études pour devenir agriculteur. Du coup, il part à l'école et il abandonne son chien. Le chien se retrouve seul avec des grands-parents. Donc là, c'était un peu méta pour moi parce que j'étais seul avec des grands-parents. Sauf que pour le chien, c'était beaucoup moins joyeux. Parce que les grands-parents, ils rigolaient, mais dans le film, le chien, bah, vous savez quoi? Et bah, il meurt de tristesse, le chien. Bah oui, parce que le gamin, il revient jamais. Alors le chien, il meurt. Et bah voilà. Mais twist! Parce que comme je l'ai dit, c'est un film à twist. Et du coup, l'âme du chien renaît dans un autre chien. Et c'est tout le concept du film, en fait. On va suivre plusieurs chiens qui vont se retrouver voilà, dans des milieux différents, avec des gens d'origine différente, dans des contextes différents, etc. Et des chiens de races différentes à chaque fois. Le deuxième, justement, c'est chien policier. Donc là, on va avoir de l'aventure, puis peut-être des bons gags. Mais que nenni, mon gros! Le chien, bah son maître, il s'en fout, il veut pas dormir avec lui. On comprend que le maître, il a sans doute perdu sa femme, et du coup, il veut pas laisser le chien dormir avec lui dans son lit. Donc voilà, c'est une relation très froide. Mais le chien, il insiste. Et au fur et à mesure, il y a une belle amitié qui se crée. Sauf que le film, il est comme la vie, il t'emmerde. Et du coup, le policier, lors d'une altercation avec un bandit random, et bah, il bute son chien. Il tire avec son pistolet, il bute son chien. Voilà. Donc deux chiens morts, on en a 40 minutes de film. Ensuite, comme on avait assez rigolé, on va passer à un autre chien qui se retrouve avec une maîtresse, qui est seule, qui a du mal à sociabiliser, à trouver l'amour. Sauf que, bon, vous inquiétez pas, elle rencontre bien sûr un chéri qui a lui aussi un chien. Et du coup, les deux chiens, ils deviennent copains. Tout va bien, tout est bien, qui finit bien. Et non, bien sûr, parce que le chien, le copain chien, eh ben il meurt. Donc du coup, l'autre chien, eh ben il meurt de tristesse. Que j'ai jamais vu autant de chiens mourir par peut-être dans... Le film avec les chiens qui deviennent fous, là. Enfin bref, mais c'était pas vraiment le même public visé, ni le même genre de film, etc., etc. Et un twist final, un peu con, mais franchement, qui passe. Donc je vous spoil pas tout quand même pour les petits aficionados, ceux qui voudraient emmener voir leurs enfants, parce que c'est clairement pour les enfants. Si votre enfant vous fait chier parce qu'il veut un chien, mais que vous avez pas d'argent ou pas de cœur, et que vous voulez pas lui offrir un animal de compagnie, vous l'emmenez voir ce film pour qu'il arrête de trépigner en permanence. Ça lui calmera bien sa grande gueule parce que le film, la morale, c'est quand même la vie. Bah, tu vas pas forcément faire ce que tu veux de ta vie. Tu vas en chier, tu vas perdre des amis. Mais parfois, la vie, elle réserve des twists. J'étais venu voir des chiens qui font pipi dans des chaussures. Au final, j'ai vu des gens tristes et des chiens qui meurent. Vous pourrez trouver votre compte si vous avez 5 ans ou si vous êtes vraiment un amoureux des toutous. Après, moi, sans ce podcast, j'aurais sans doute jamais eu l'idée d'aller voir ce film. Et je vais pas cacher que genre, j'étais pas à fond pendant la séance. C'est quand même un peu plan-plan. Donc voilà, je pense que c'est un film relativement sympa pour des gosses qui lui pourront tirer des bonnes choses. Et pour les autres, c'est un gentil Osef, quoi. Là, c'est un rond-point. Excellente idée pour enregistrer un podcast. Très bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, j'en ferai d'autres ou si vous avez des idées pour des prochains épisodes de films qui sortent et qui risquent de passer un peu sous les radars. En attendant, moi je vous dis bonne semaine et je vous laisse avec une petite morale qui n'est pas totalement hors de propos par rapport à ce podcast. Allez, ciao. Les humains sont compliqués. Ils font des choses que nous, les chiens, on comprend pas. Comme partir. Ethan et moi, on était faits pour être ensemble. S'il n'y avait plus Ethan, quel intérêt pour moi de rester ici? Mais peut-être qu'il ne faut pas toujours chercher un but aux choses.